Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre premier Mag de la saison. Nouvelle saison, nouveau générique, mais toujours la même envie de vous emmener au plus près de l'actu locale et des initiatives qui font vibrer notre territoire. Et pour lancer cette saison 2025-2026, on démarre sur une note solidaire. Ce week-end, nous étions sur le terrain pour les forums des associations, le matin à Amboise en direct depuis l'île d'Or et l'après-midi à Mont-Louis, micro tendu à l'espace Ligeria. C'est justement là-bas que nous avons rencontré Frédérique Maillot, présidente de l'association Joco. Avec passion, elle nous parle de sa démarche « Soutenir la scolarité d'enfants au Sénégal, mais depuis Mont-Louis ». Une belle preuve que la solidarité peut voyager loin, portée par des habitants d'ici. On écoute son témoignage et on en profite pour découvrir comment chacun peut contribuer à ce projet. Bonjour Frédéric. Bonjour, enchantée. Alors cette association, est-ce que vous pouvez nous expliquer son objectif ? Vous y faites quoi ? Alors l'objectif de l'association Joco, c'est de venir en aide aux écoles de Brousse au Sénégal, dans une région particulière qui est la région de Mbour. Le but de l'association, c'est d'essayer d'intégrer un maximum d'enfants à l'école en les aidant, en leur fournissant le matériel nécessaire, puisque les parents n'ont pas les moyens de l'acheter et que l'État ne fournit pas le matériel aux écoles pour fonctionner. Et nous intervenons aussi pour améliorer les conditions de travail des enfants dans les écoles en intervenant sur les tableaux pour que les instituteurs puissent communiquer avec les élèves puisqu'il n'y a pas de livre scolaire, et pour améliorer les conditions, mettre de la couleur dans les classes, faire des sols puisque c'est de la terre battue, restaurer du mobilier scolaire, refaire des toitures quand il pleut. À chaque fois qu'on a de l'argent, on s'en sert pour faire ce genre de travaux, pour améliorer les conditions pour les écoliers. Alors là, les auditeurs, évidemment, ils n'ont pas les images, mais on peut voir sur votre stand la photo d'une école où le toit, c'est des branches. Donc quand il pleut, il n'y a pas d'école. Et alors, vous parliez des tableaux. Ils sont faits en quoi, les tableaux ? Alors, les tableaux sont faits en ciment peint. Et le fait de les nettoyer avec une éponge et de l'eau, à terme, la craie ne tient plus dessus. Et comme il n'y a pas de manuel scolaire, le seul moyen de communication de l'institut avec ses élèves, c'est d'écrire au tableau. Donc, ça fait partie des travaux prioritaires que fait l'association quand c'est nécessaire. Et donc, vous intervenez sur les fournitures, on le disait, vous m'expliquiez hors antenne qu'une famille qui envoie ses enfants à l'école, il faut qu'ils fournissent tout le matériel scolaire et ça a un coût évidemment pour eux qui est compliqué à prendre en charge. Voilà, ils ne peuvent pas prendre le matériel en charge parce que ce sont des peuples séraires, ils sont éleveurs ou agriculteurs et comme ils ont beaucoup d'enfants, acheter les cahiers, les stylos, même le matériel basique, ils n'ont pas les moyens. Donc, le fait d'être une association, nous ne sommes pas tout seuls, il y a d'autres associations qui font la même chose que nous, ça permet aux directeurs d'école et aux instituteurs de se déplacer dans les villages et d'inciter les familles à mettre les enfants à l'école, sachant que le matériel est fourni. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 23 ans, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais ça fait 23 ans maintenant que vous êtes présidente de cette association? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce déclic-là, il y a 23 ans, de dire « Allez, je m'investis pour les aider ». Alors, c'est tout bête, hein. C'est l'histoire d'un voyage au Sénégal avec ma voisine qui était africaine, qui m'a emmenée dans sa famille. Et j'ai été visiter plein de choses qu'on ne visite pas quand on est à l'hôtel. Donc déjà, ça m'a alertée. Et j'ai pris un poste dans une commune d'Indre-et-Loire où un instituteur de CM2 avait décidé de faire un partenariat avec un instituteur d'Embourg pour expliquer aux enfants ce que c'était que l'école en France et l'école au Sénégal. Et en fait, il m'a amené un courrier qui devait envoyer par la poste. Et moi, 8 jours après, je partais. Donc, je lui ai proposé d'emmener son courrier. Et j'ai emmené son courrier à l'instituteur que j'ai rencontré et qui m'a alerté sur l'état des écoles et que j'ai aidé, qui a fait l'ENA après, et qui travaille maintenant dans une ambassade. C'est une rencontre complètement fortuite comme ça. Cela dit, ce n'est pas un hasard si vous êtes passé là-bas, parce que vous voyez 23 ans plus tard d'être toujours impliqué dans cette association. Alors, comment vous récoltez des fonds ? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à collecter de l'argent ? Alors, on essaye de se mobiliser un maximum. On a un système d'adhésion de 25 euros par an. Donc on a des fidèles, hein, sachant que c'est pas très cher, 25 euros pour l'année. Surtout que l'aide pour un enfant, c'est 1 euro. Donc oui. On aide 25 enfants avec 25 euros. 25 euros, vous aidez 25 enfants, en fait. Et puis, on fait le marché de Noël de Mont-Louis. On fait aussi une journée ou une soirée festive. Jusqu'ici, c'était toujours une soirée, mais cette année, ça sera une journée dans laquelle on organise un stand de vente. Il faut savoir que tous les produits qui sont vendus sont faits par des artisans amis. Au Sénégal, on n'achète pas en Chine, nulle part ailleurs, ils viennent directement du Sénégal parce que ce sont des artistes qui sont fidèles à notre association, qui nous font des prix et qui nous font des cadeaux d'objets à vendre. Donc ça nous rapporte un petit peu d'argent. Et puis la journée festive nous rapporte aussi un peu d'argent, le marché de Noël. Tout ça mis bout à bout fait qu'on est toujours arrivé en 23 ans à fournir 2000 euros de matériel scolaire. Et 2000 euros qui vont entièrement à l'aide aux fournitures, c'est-à-dire que vous allez chaque année, vous, au Sénégal, vous et d'autres bénévoles, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas toute seule aujourd'hui, mais c'est à vos frais totalement. C'est totalement à nos frais. Jamais on n'a ponctionné 1 euro sur le compte de l'association pour se rendre là-bas. Donc tout ce qu'on fait, on le fait bénévolement, au vrai sens du terme, en fait. On paye notre voyage, on paye notre séjour. Des fois, on paye même la peinture sur nos deniers perso quand l'asso n'a pas suffisamment d'argent et que c'est urgent de faire quelque chose et qu'on a du monde sous la main qui veut bien participer au chantier. Parce que ce qu'on aime, c'est emmener des gens, embarquer des gens avec nous pour leur faire découvrir notre Sénégal à nous et les faire participer à des chantiers qui amélioreront le sort des enfants dans les écoles. Alors, on imagine qu'évidemment, vous ne le faites pas pour avoir un retour, mais c'est accueilli comment cette démarche là-bas ? Ah ben, c'est très très bien accueilli et c'est demandé. Là, je peux vous dire que depuis un mois, je reçois des messages des directeurs d'école qui nous demandent quand est-ce qu'on arrive et quel jour on va venir à l'école. Et dans la mesure du possible, si on est nombreux, ils essayent de nous organiser des petites fêtes, un petit repas pour qu'on partage tous ensemble le fait de partager ensemble et de communiquer ensemble sur l'école. Une école au Sénégal qui est bien différente de ce qu'on connaît ici sur le territoire français, avec des enfants très nombreux en classe, mais il n'y a pas de bruit. Et un très bon niveau. Ouais. Il y a un excellent niveau. Depuis qu'on travaille avec les écoles, on se rend compte que comme il y a un examen de passage en 6e, on peut très bien voir l'impact qu'a l'enseignement et sur l'aide qu'on apporte. Parce que du coup, il y a de plus en plus de pourcentage d'enfants qui réussissent l'examen d'entrée en 6e. Alors après, dire qu'ils iront en 6e, non, parce que c'est encore plus cher, il faut payer l'uniforme, faut payer souvent, il n'y a pas la structure scolaire pour envoyer les enfants, donc il faut trouver une famille qui accueille l'enfant, etc. Donc c'est très compliqué, mais c'est quand même valorisant de savoir qu'il y a 80 enfants par classe et que des fois, il y a 80% de CM2 qui vont réussir l'entrée en 6e. Ça veut dire qu'ils sauront compter, écrire, et qui pourront avoir une démarche professionnelle dans le commerce, où ces outils-là sont indispensables. On imagine qu'en 23 ans, je le répète, mais c'est vrai que c'est énorme, vous avez pu avoir dans les débuts des enfants sur les bancs de l'école que vous avez contribué à aider, qui maintenant sont parents et envoient leurs enfants à l'école également. Sans doute, et il y a même des étudiants, on a eu la chance de rencontrer des étudiants dont on a aidé l'école, donc on a aidé aussi l'enfant, qui ont obtenu des diplômes en mathématiques d'excellence et qui sont maintenant des enseignants reconnus et qui se dévouent pour continuer dans leur village, pour venir aider les élèves qui sont en difficulté dans l'école où eux ont eux-mêmes fait leur scolarité. Il y a vraiment une union et ils sont très reconnaissants, en fait, de l'aide. Même si c'est une petite aide, c'est quand même énorme. Placé de leur point de vue à eux, c'est énorme. On l'imagine aisément. Alors, si on veut contribuer à aider votre association Joko, qui signifie partager d'ailleurs dans le jargon africain, alors on peut adhérer déjà dans un premier temps, adhérer, 25 euros. Voilà, joko.asso-web.com pour le site internet, c'est parfait. Merci, vous êtes bien assisté aujourd'hui, Frédéric. Et une adresse email qui est joko, donc J-O-2-K-O-37. @orange.fr et on peut venir le 22 novembre à la salle du Saul Michaud pour participer à cette journée qui est une nouvelle formule avec, si on le souhaite, le repas. Si on ne souhaite pas forcément le repas, on peut venir l'après-midi avec ses enfants, avec ses amis, on peut danser, atelier chant, percussion, enfin, tout y sera. Tout pour passer une bonne journée familiale, tous ensemble, sans contraintes, en toute amitié, et partager un petit peu ce que c'est que les écoles au Sénégal, ce que sont les écoles au Sénégal. On essaiera de passer des films, surtout s'il y a des enfants, pour leur montrer la chance qu'ils ont de vivre en France et d'avoir accès à une scolarité telle qu'ils l'ont au jour d'aujourd'hui. Voilà. Eh ben, bravo à tous pour votre engagement. Merci Frédéric Maillot. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Djoko et ce depuis 23 petites années. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Et voilà, le mag de rentrée est lancé. Nouveau générique, nouvelles énergies et toujours l'envie de mettre en lumière celles et ceux qui font bouger les choses. Restez bien avec nous, la saison s'annonce riche en découvertes et en rencontres. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.